Good morning once again. Bonjour. Time flies when you're having fun. Le temps passe vite quand on s'amuse. I've had the best time here. J'ai vraiment passé un très bon moment ici. It's been great to get to know most of you. Vraiment chouette de rencontrer la plupart d'entre vous. It's been a blessing to be able to share from the Word with you. C'était vraiment une bénédiction de partager à partir de la parole avec vous. And one thing I especially appreciated was not having to be in charge this weekend. Et une chose que j'ai vraiment appréciée, c'est de ne pas être responsable ce week-end. It's nice to just come and just have my role to teach and just enjoy the rest. C'est vraiment agréable de venir juste pour enseigner, c'est mon rôle, et puis apprécier le reste. So thank you for making me feel so welcome. M'avait reçu avec beaucoup d'amour. Merci d'être une part avec vous ce week-end est vraiment une bénédiction. Let's pray before we start studying the word. Prions avant de commencer notre étude. And God will continue speaking. Que Dieu continue de nous parler. Lord, you are faithful to us every single day. Seigneur, tu nous es fidèle chaque jour. You are good to us every morning. Tu es bon chaque matin. Lord, we thank you that you sit upon the throne. Seigneur, nous te remercions de ce que tu sièges sur le trône. Lord, we come into your courts. Nous venons en ta présence, dans ton parvis. Because of the blood of Jesus Christ, we know that we can enter directly into your throne room. Grâce au sang de Jésus-Christ, nous savons que nous pouvons entrer dans la salle du trône, dans notre trône. That we can approach the throne of grace with confidence. Que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec confiance. So Lord, here we are, your children. Nous voici donc, tes enfants. Your sons and daughters by the blood of Jesus Christ. Tes fils et tes filles par le sang de Jésus-Christ. We sit at your feet. Nous sommes à tes pieds. At the very foot of your throne. Au pied de ton trône. And Lord, you have all of us right now. Et Seigneur, tu nous as complètement. Our hearts, our minds, our souls, and our strength. Nos cœurs, nos pensées, nos forces. Lord, we are yours. Speak to us. Nous te demandons de nous parler, Seigneur. In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. In Mark chapter 12. Dans le chapitre 12 de Marc. We've been looking at the greatest commandment. Nous avons considéré le plus grand commandement. But have any of you noticed something strange? Est-ce qu'il y en a qui ont remarqué une chose étrange? The Pharisee asked for one commandment. Le pharisien a demandé un commandement. But Jesus seemed to give him two answers. Et il semble que Jésus lui donne deux réponses. There's this place that I like to go to in America for donuts. Il y a un endroit où j'aime bien aller chercher des beignets aux États-Unis, ce qu'on appelle les donuts. It's called Krispy Kremes. Ça s'appelle Krispy Kreme. The most unhealthy donut in the world. C'est les beignets les moins bons pour la santé dans le monde. But the best tasting. Mais c'est ceux qui ont le meilleur goût. And they had this a special for a while. They called it Two Dozen Tuesday. Et il y avait une promo il y a un certain temps, ça s'appelait le mardi des deux douzaines. And on Tuesdays, when you went for 12 donuts, et le mardi, si vous veniez et que vous commandiez 12 beignets, you went home with 24. On vous en donnait 24 pour amener à la maison. I liked two dozen Tuesdays. J'adorais les mardis des deux douzaines. I'm not sure if the Pharisee and Jesus had this conversation on a Tuesday. Je ne sais pas si cette conversation entre Jésus et le pharisien a pris place un mardi. But he asked for one commandment. Mais il a demandé un commandement. He seems to have gotten two. On dirait que Jésus lui en a donné deux. We already looked at the commandment that said you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and with all your strength. On a déjà vu la partie qui dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. But then in verse 31 he says and the second like it is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. Mais Jésus ajoute, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Jesus treats the two commandments as one. Jésus traite les deux commandements comme un seul commandement. Because they are inseparable. Parce qu'ils sont inséparables. We looked at the first morning that we were created for relationship with God. Hier matin, nous avons vu que nous avons été créés pour avoir une relation avec Dieu. And there's nothing better in life. Il n'y a rien de mieux dans la vie que d'entrer dans cette relation et de l'apprécier. I'm from the island of Maui in the Pacific. Je viens de l'île de Maui dans le Pacifique. And when I go home to visit my parents sometimes, it's a 12-hour time difference. Et quand je vais voir ma famille là-bas, il y a un décalage horaire de 12 heures. So you wake up at the strangest times. Donc on se réveille aux heures les plus bizarres. When I go to visit, I'm often awake at like 4 o'clock in the morning. Souvent, je me trouve réveillé à 4 heures du matin quand je suis chez eux. So what do I do? Qu'est-ce que je fais? As soon as the sun comes up, I go to my favorite beach. Dès que le soleil se lève, je vais sur ma plage préférée. Beautiful white sand. Un sable blanc de toute beauté. It's about a kilometer long. D'un kilomètre de long. The beautiful blue water. L'eau bleue merveilleuse. And as the sun is rising, et le soleil qui se lève, I'm the only one there. Je suis seul sur la plage. It's perfect. It's like paradise. C'est comme le paradis. C'est parfait. And I think this is what it must have been like for Adam. Et je me dis, ça devait être comme ça pour Adam. To be the only one on the earth. Être le seul sur la terre. Created for this relationship with God. Créé pour cette relation avec Dieu. Just enjoying every second of it. Appréciant chaque seconde de cette relation. And there I'm sitting on the beach all alone. Je suis tout seul assis sur la plage. Reading my Bible, saying some prayers. Je lis ma Bible, je prie. And I think, God, it can't get any better than this. Et je me dis, Seigneur, ça peut, rien ne peut surpasser ce moment, cette relation. This is wonderful. C'est merveilleux. I love you, God. Je t'aime, Seigneur. With everything right now, this is great. Je t'aime avec tout ce que je peux te donner. Ce que je peux te donner. And then I look down the beach. Puis je regarde un peu plus loin sur la plage. And there's someone coming. Et il y a quelqu'un qui arrive. And I look the other direction. Et puis de l'autre côté. And someone's bringing their dog. Et puis quelqu'un amène leur chien. And then there's someone going for a morning jog. Et puis il y a quelqu'un qui fait son jogging matinal. And this perfect existence here on this beach is now being interrupted by people. Et cette merveilleuse existence seule sur la plage est maintenant interrompue par d'autres gens. I'm thinking, go away, this is my beach. Et mon sentiment, c'est de dire, partez, c'était ma plage. Just me and Jesus get to juste be here. Moi et Jésus. God did an interesting thing in creation. Et Dieu a fait une chose intéressante dans la création. He first created man to have a relationship with him. Il a d'abord créé l'homme pour avoir une relation avec lui. And it was very good. Et c'était très bon. Because it was the point of creation. C'était le dessein même de la création. But it's interesting because then in Genesis chapter 2, mais c'est intéressant, dès la Genèse au chapitre 2, we see something that was not good. On voit quelque chose qui n'était pas bon. God said it's not good for man to be alone. Il dit, il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Now that's not just because he might get a little lonely. C'est pas seulement parce qu'il risquait de se retrouver un peu seul, solitaire. Or he might want to watch the sunset with somebody. Ou parce qu'il voulait voir le soleil se lever avec quelqu'un. It wasn't good for man to be alone because then man would focus only on himself. Ce n'était pas bon que l'homme soit seul parce que sinon il ne se serait centré que sur lui-même. And God never focuses only on himself. Et Dieu ne se centre pas sur lui-même seulement. And we were created in the image of God. Nous avons été créés à l'image de Dieu. So we can't focus only on ourselves. Nous ne pouvons pas nous concentrer sur nous-mêmes seulement. Because God doesn't. Parce que Dieu ne le fait pas. So then God placed Eve in the garden. Et donc Dieu a placé Ève dans le jardin. Then he told Adam and Eve, be fruitful and multiply. Et puis il a dit à Adam et Ève, soyez multipliez-vous, soyez portez du fruit. Make more. Faites-en d'autres. So then you'll have many other people to think about. Donc vous aurez plein de gens auxquels penser. And Adam, you won't think of yourself all the time. Et Adam, ainsi tu ne penseras pas à toi seulement tout le temps. Because I'm God. Parce que je suis Dieu. And I don't think of myself all the time. Et je ne pense pas à moi tout le temps. And neither can you. Et toi non plus, tu ne le dois pas. If I love God, then I will love the things that interest Him. Si j'aime vraiment Dieu, alors je vais aimer les choses qui l'intéressent. I like tomatoes. J'aime les tomates. But I didn't always like tomatoes. Je n'ai pas toujours aimé les tomates. In fact, growing up, I thought they were gross. Quand j'étais jeune, je pensais que c'était vraiment dégoûtant. They were slimy and they had seeds. Elles sont gluantes, elles ont des petites graines. And then in high school, I dated a girl who liked tomatoes. Et puis, quand j'étais au lycée, j'ai connu une fille, une petite amie, qui aimait les tomates. I liked tomatoes too. Soudainement, je me suis mis à aimer les tomates. Because she liked tomatoes. Parce qu'elle aimait les tomates. If we love God, si nous aimons Dieu, we will love those things that He loves. Nous allons aimer les choses qu'il aime. God loves His creation. God loves people. Dieu aime sa création. Dieu aime les gens. If I'm in a relationship with God, He wants me to be like Him. Si je suis en relation étroite avec lui, je vais aimer les choses qu'il aime. Je vais être comme lui. We have a ministry at a retirement home. Nous servons dans une maison de retraite. We've been there for about 6.5 years now. Ça fait 6 ans et demi que nous faisons ce travail. We've only had a Bible study for 2 years. Ça fait seulement 2 ans que nous avons une étude biblique là-bas. The first 4.5 years there, we just simply volunteered. Les 4 premières années, nous venions simplement pour aider volontairement. Doing simple things. Faisant des choses simples. Serving coffee. On servait du café. Playing cards. On jouait aux cartes avec les personnes. Talking about the weather. On parlait du beau temps. The same conversation every week. Chaque semaine, la même conversation. Because they forgot that you had the conversation the week before. Parce qu'ils ont oublié que la semaine d'avant, vous avez parlé exactement de la même chose. On sunny days, it was a real treat. Et les jours de beau temps, c'était vraiment agréable. Because we could take them for walks in their wheelchairs along the river. On pouvait les sortir là en chaise roulante près de la rivière. Well, after doing all this for about 4.5 years. Et en faisant ça après 4 ans. I hated it. Je détestais finalement. It was the most depressing time of my week. C'était vraiment le temps le plus déprimant de ma semaine. And I wanted to quit this ministry. Je voulais arrêter. But I felt like God said, I've given you an open door. Until I close it, you stay there. J'ai vraiment eu le sentiment que Dieu m'a dit, je t'ai ouvert une porte, tu restes là tant que je ne la ferme pas. But I hated it. It was so depressing. Mais je détestais vraiment, c'était déprimant. There were some mornings I would get in the elevator and between the first floor and the fifth floor, I would cry. Et entre le premier et le cinquième étage, dans l'élévateur, dans l'ascenseur, je pleurais vraiment. And then wipe away the tears and put on a smile and walk out and talk about the J'essuyais mes larmes, je collais un sourire sur mon visage et j'y allais. In fact, our whole team, everyone pretty much left. Et la plupart de notre équipe a quitté, a abandonné. By the end, it was me and one 14-year-old girl. Et à la fin, c'était que moi et une jeune fille de 14 ans. And we'd go every week. Et nous y allions chaque semaine. This one day, it was sunny, so we went for a walk in the park. Ce jour-là, il faisait beau, donc on est allé dans le parc. And I was pushing a woman. Et je poussais la chaise d'une dame. Who was not exactly skinny. Qui n'était pas exactement légère ou maigre. And as I was pushing her there through the park. Et comme je la poussais, we ran over a piece of glass. On est passé sur un morceau de verre. And the right tire popped. Et son pneu droit a crevé, a explosé. Now I'm pushing a heavy woman. Donc maintenant, je me retrouve à pousser une dame assez lourde. In a wheelchair with one tire popped. Dans une chaise roulante qui a un pneu crevé. And it's kind of going in circles. Je tourne en cercle. And we're about a kilometer away from the retirement home. Et on a encore un kilomètre à faire pour rejoindre la maison de retraite. And I said, God, I am done. Et j'ai dit, là, Seigneur, c'est la fin, c'est fini. I'm leaving her here, she'll find her way home, I'm going. Je la laisse ici, aide-la à rentrer, moi je m'en vais. I did not want to be there anymore. Je ne voulais plus être là. And I felt like the Lord spoke to my heart. Et je crois que le Seigneur a parlé à mon cœur. And he said, I would do it. Je le ferai. I love this woman. J'aime cette femme. I created her. Je l'ai créé. And Justin, you think ministry is always about teaching Bible studies? Et Justin, tu penses sans doute que le ministère c'est seulement enseigner des études bibliques. Justin, I don't always need to teach a Bible study. J'ai pas besoin que tu enseignes des études bibliques tout le temps. I love this woman. J'aime cette dame. And if she wants to go for a ride in the park, I would take her for a ride in the park. Et si elle a envie d'aller se promener dans le parc, je vais l'emmener se promener dans le parc. But I'm not there right now. Mais j'y suis pas en ce moment. I'm seated at the right hand of the Father. Je suis assise à la droite du Père. But I want to take her for a walk. Mais je veux l'emmener se promener. Will you take her for a walk? Est-ce que tu vas l'emmener toi pour se promener? Well, I took the lady back. J'ai donc ramené la dame. And my heart had completely changed. Et mon cœur avait complètement été transformé. And I said, Lord, if you love these women, I will love them for you. Et j'ai dit, Seigneur, si tu aimes ces personnes, je vais les aimer pour toi. And it's interesting because within 2 months. C'est intéressant. En l'espace de 2 mois, they asked us, the ladies themselves asked us to start a Bible study. Les dames nous ont elles-mêmes demandé qu'on commence une étude biblique. But the Lord said, I won't let you teach them until you love them. Le Seigneur m'a dit, je ne vais pas leur enseigner une étude biblique jusqu'à ce que tu aies vraiment de l'amour pour elles dans ton cœur. God wants us to share His heart. Dieu veut partager son amour. Do you remember the story of the prodigal son? Vous vous souvenez de l'histoire du fils prodigue? Keep your place here, but let's turn there again to Luke chapter 15. Gardez un doigt à Marc 12, mais Luke chapter 15, sorry. Luke chapitre 15. Do you know who Jesus is speaking this parable to? Vous vous souvenez à qui Jésus enseigne cette parabole? And in what situation he's speaking this parable? Et dans quelles circonstances il enseigne cette parabole? Let's look at the beginning of the chapter. Regardons le début du chapitre. Verses 1 and 2. Versets 1 et 2. Luc 15, versets 1 et 2. Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, « Celui-ci accueille des pêcheurs et mange avec eux. » Les péagers, c'est-à-dire ceux qui ramassaient les impôts, et les pêcheurs. No one loved them. Personne ne les aimait. You didn't have to love them. Il n'y avait pas besoin de les aimer. They were unlovable. Ils étaient vraiment pas dignes d'amour. But Jesus was spending time with them. Mais Jésus passait du temps avec eux. In fact, he was even eating with them. Il mangeait même avec eux. To eat with them meant you had a deep relationship with them. You were sharing with them. Manger avec eux, ça signifiait que vous aviez vraiment une profonde relation avec eux. Vous partagiez des choses avec eux. And the Pharisees think, why is he doing this? Et les pharisiens se disent, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? So he tells the parables. Et donc, il leur donne cette parabole. Including the parable of the lost son. D'abord, la parabole du fils prodigue. He didn't want to stick around. He took the money and he left. Il n'avait pas voulu rester avec son père. Le père, il avait pris l'argent et était parti. He wasted it all. Il avait tout gaspillé. And there he realized how good his father was. Et puis là, il avait réalisé combien son père était bon. So he went home. Et donc, il était rentré à la maison. He was hoping just to be a servant. Il espérait même n'être qu'un serviteur. But the father ran to him. Mais le père a couru vers lui. He says, you won't be my servant, you will be my son. Il lui a dit, tu ne vas pas être seulement mon serviteur, tu vas être mon fils. I want you to be my son. Je veux que tu sois mon fils. All I desire is a relationship with you. Tout ce que je veux, c'est une profonde relation avec toi. And now you want it too. Et maintenant, toi, tu la désires aussi. But remember, the parable began by saying the man had two sons. Mais vous vous souvenez, la parabole a commencé par le fait que le père avait deux fils. And as the father and the son are celebrating his return, et pendant que le père et le fils prodigue sont en train de faire la fête de son retour, the second son is not so happy. Le deuxième fils n'est pas aussi heureux. We read verses 25 through 32 of Luke chapter 15. On va lire versets 25 à 32 dans Luc 15. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. The older brother comes home. Le fils aîné revient à la maison. He hears music in the house. Il entend de la musique dans la maison. There's a dance going on inside. Les gens dansent à l'intérieur. He finds out that his father has received his brother home. Il découvre que son père vient de recevoir son autre frère. And he's thinking, are you crazy? Et il se dit, mais ça va pas la tête? Have you forgotten? Tu as tout oublié? Let me remind you how much he hurt you. Laisse-moi te rappeler combien il t'a fait de mal. Dad, don't you remember he took all the things and he spent it all? Tu te rappelles pas, il a tout pris puis il a tout dépensé. Do you remember every night you couldn't sleep because you were worried about him? Tu te rappelles, tu pouvais pas dormir parce que tu te faisais du souci pour lui. And all he does is come home and you throw him a party and you receive him? Et tout ce que tu fais quand il revient, c'est de faire la fête pour lui? Are you crazy? Ça va pas? What about me? Et moi donc? I've been here all the time. Moi j'ai été fidèle, je suis resté là tout le temps. I've obeyed your rules. J'ai obéi à tous tes ordres. I've worked in the fields. J'ai travaillé dans les champs durs. I've helped run the family business. J'ai aidé à gérer cette affaire de la famille. I've shared your home with you. J'ai partagé ta maison, je suis resté avec toi. The father says, yes, you did. Et le père lui dit, mais oui, tu l'as fait. You've shared my home. Tu as partagé, tu as vécu avec moi. You've shared everything I own. Tu as partagé tout ce que j'ai. You even shared this trial with me. Et même cette épreuve, tu l'as vécue avec moi. But one thing you have not shared with me. Mais une chose que tu n'as pas partagée avec moi. You don't share my heart. Tu ne partages pas mon cœur. Because if you had my heart, parce que si tu avais mon cœur, you would be rejoicing with me right now. Tu te réjouirais avec moi en ce moment même. Because he was lost and he's found. Parce qu'il était perdu, il est retrouvé. He was dead, he's alive again. Il était mort, il est vivant de nouveau. Remember, he's speaking this to the Pharisees. Souvenez-vous qu'il est en train d'enseigner ceci aux pharisiens. They had shared God's kingdom. Ils avaient partagé le royaume de Dieu. They had the temple. Ils avaient le temple. They had the sacrifices. Ils avaient les sacrifices. They had the law of Moses. Ils avaient la loi de Moïse. They had preserved God's word through the centuries. Ils avaient préservé la parole de Dieu à travers les siècles. They had shared all these things. Ils avaient partagé toutes ces choses. But one thing Jesus was saying to them, mais une chose que Jésus leur disait, is you don't share my heart. Vous n'avez pas mon cœur. I love the tax collectors and the sinners. J'aime les péagers, j'aime les pécheurs. And you do not. Et vous ne le faites pas. Jesus is speaking to one of these Pharisees. Jésus parle à l'un de ces pharisiens. So when he hears this word, love your neighbor as yourself. Lorsqu'il lui dit aime ton prochain comme toi-même. This is a challenge to him. C'est vraiment un défi pour lui. This command, it actually comes from Leviticus chapter 19. En fait, ce commandement vient de Lévitique chapitre 19. This was a book written to the priests in the wilderness. C'était un livre qui avait été écrit pour les prêtres dans le désert. How they should live, how they should worship, how they would coexist in the promised land. Comment ils devaient vivre, comment ils devaient partager leur vie dans la terre promise. But think about this. Mais pensez bien à ceci. 2 million people. Il y avait 2 millions de personnes. In the wilderness. Traversant le désert. Uncomfortable. Mal à l'aise. Not exactly a happy experience. Pas vraiment une expérience inoubliable. And they're walking around for 40 years. Ils tourneront pendant 40 ans. My family and I, we went on vacation once for 2 months. Ma famille et moi, on est partis une fois en vacances pendant 2 mois. We got an 8-meter long motorhome. On avait une grande caravane de 8 mètres de long. And we drove from California to Florida and back again. On est allé de la Californie à la Floride et on est revenu. I will not give you the details. Je vais pas vous donner tous les détails. Because it wasn't always pretty. Parce que c'était pas toujours plaisant à voir. But it was a challenge to love one another. Mais c'était vraiment un défi de s'aimer les uns les autres. Can you imagine God commanding them 40 years in the wilderness, love one another? Vous pouvez imaginer Dieu qui leur demande de s'aimer les uns les autres pendant 40 ans en traversant le désert, mal à l'aise, mal confortable. That's a hard thing to do. C'est une chose difficile à faire. We might say, okay, Lord. On peut dire, d'accord, Seigneur. I can love people. Je peux aimer les gens. But why do you keep seeming to give me such difficult people in my life? Mais pourquoi est-ce que tu m'envoies des gens si difficiles à aimer dans ma vie? Perhaps if you gave me more lovable people, I could love them. Si tu m'envoyais des gens aimables, faciles à aimer, peut-être je pourrais les aimer. You know, that's the world's new philosophy today. Et ça, c'est la philosophie dans le monde aujourd'hui. Do your best. Faites de votre mieux. Try to love them. Essayez de les aimer. But if things don't work out, si ça marche pas, get out of it. Sortez de la relation. Find someone more lovable to love. Trouvez quelqu'un de mieux à aimer. End the relationship. Et finissez la relation. Quit, mettez un terme. Quit the job. Démissionnez. Go to another church. Changez d'église. And find someone more lovable to love. Trouvez des gens plus faciles à aimer. But really, you only have to love to a certain point, and then you can say, I'm done. Mais en réalité, vous essayez jusqu'à un certain niveau, et puis vous pouvez dire, ça y est, j'ai fini. God is asking us to love. Dieu nous demande d'aimer. And he's trying to teach us to love. Il nous enseigne à aimer. By giving us unlovable people. En nous donnant des gens difficiles à aimer. It's not easy for God to love us. C'est pas facile pour Dieu non plus de nous aimer. We're not perfect either. On n'est pas exactement parfait, n'est-ce pas? And neither is anyone else around us. Et personne d'autre autour de nous. In Mark chapter 12 verse 31, he says, "Love your neighbor as yourself." Et dans Marc 12, il dit, aimez votre prochain comme vous-même. How much do we love ourselves? Combien nous aimons-nous nous-mêmes? My family is rarely together. Ma famille est rarement toute réunie. But when we do, we have to do a very painful thing. Mais lorsque nous nous retrouvons, nous devons faire quelque chose qui est douloureux. We have to take the family photo. Nous devons prendre la photo de famille. Because it's rare that we're together. Parce que c'est très rare de se retrouver ensemble. So this is what it's like if we're trying to take the family photo. Voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on essaie de prendre une photo de famille. I'm trying to get the lighting in the background just perfect. J'essaie de trouver l'arrière-plan, l'éclairage parfait. My sister is posing everyone. Ma sœur fait poser tout le monde. My brother is complaining that it's taking too long. Mon frère se plaint que ça prend trop de temps. My mom cannot find anything to wear. Ma mère cherche quelque chose à mettre qui soit joli. And my dad will not be serious. Et mon père ne veut pas rester sérieux. And my sister-in-law and brother-in-law are wondering why they ever married into the family. Et mon beau-frère et ma belle-sœur se demandent pourquoi ils sont rentrés dans notre famille. So we finish the photo shoot. Et donc on termine la prise de vue, la photo. And then we download all the photos. Et puis on envoie toutes les photos sur Internet. And try and choose the best one. Puis on essaye de choisir la meilleure. Pour faire une photo qu'on peut envoyer à Noël, à tous les autres parents. The best photo is always the one in which I look the best. Et la meilleure photo, c'est toujours la meilleure, la photo où je suis le mieux moi-même. It doesn't matter that my dad's eyes are closed. C'est pas grave si les yeux de mon père sont fermés. Or that my mother looks fat. Ma mère a l'air énorme. Or my sister is smiling weird. Et ma sœur a un drôle de sourire bizarre. Or my brother has sweat dripping down his face. Ou que mon frère a de la sueur sur son visage. The best photo is always still the one in which I look the best. La meilleure photo, c'est celle où j'ai l'air le mieux. Because I'm a sinful person. Parce que je suis une personne pleine de péché. Sinners will always put themselves first. Les pécheurs se mettent toujours en premier. And Jesus understands this. Et Jésus comprend bien cela. So he says, love them like you love yourself. Et il leur dit donc, aimez-vous comme vous vous aimez. You know how you love yourself? Vous savez combien vous vous aimez? You know how you put yourself first, always? Combien vous vous mettez toujours en premier? If you could just somehow harness that self-love. Si vous pouviez capturer cet amour pour vous-même et l'utiliser pour aimer les autres, alors là, ça sera parfait. If we are to properly love other people, si nous voulons aimer les autres correctement, it requires us to stop loving ourselves so much. Cela nécessite que nous stoppions de nous aimer nous-mêmes autant. On my island of Maui, there's this beautiful place called Hana. Il y a une île, un endroit à Maui qui s'appelle Hana. It's a rainforest, waterfalls, it's beautiful. C'est une belle forêt où il y a des cascades, avec beaucoup d'arbres verts. But it takes 3 hours to drive there. Mais ça prend 3 heures pour s'y rendre en voiture. And this road from Nice here is nothing compared to that road. Et la route pour venir de Nice à ici, c'est rien en comparaison. It is windy, it's crazy. C'est une route qui n'arrête pas de tourner, de sinuer. And there are certain parts along the road where it's so narrow, you have a one-lane bridge. Et il y a des endroits si étroits qu'il y a des ponts à une seule voie parfois. In fact, I think there's like 50 of them in this 3 hour drive. Donc sur les 3 heures de route, il y a 50 But they did an interesting ponts de thing cette façon. When they constructed these bridges. Ils ont fait une chose intéressante dans ce qu'ils ont construit ces ponts. As you approach from either side, quand vous approchez de chaque côté de ces ponts à une voie, they put a sign on each side. Ils ont mis un signe de chaque côté. It's the triangle yield sign. C'est le triangle qui dit céder le passage. You know when you're driving, when you see that sign, you have to allow the other person the right of way. Quand on voit ce signe, normalement, en conduisant, on doit laisser la priorité à l'autre. Well, so when they constructed these bridges, they put one at each side. Et donc ils en ont mis un de chaque côté. So no matter when you drive, if someone's coming, you both stop. Donc quand on vient, quand on se rencontre, on doit s'arrêter. Les deux côtés doivent s'arrêter. And you're waiting for them to go. Et vous attendez qu'ils passent. And they're waiting for you to go. Et ils attendent que vous passiez. But eventually one of you will go. Et puis finalement, il y en a un qui va se décider. But it's impossible for both to pass the bridge at the same time. Mais il est impossible de traverser le pont en même temps. Because of the way it's designed. À cause de la façon dont ça a été imaginé, dessiné. That's the way love has been designed. C'est la façon dont l'amour a été imaginé. If I'm loving myself, I cannot love you. Si je m'aime moi-même, je ne peux pas vous aimer. If I'm loving you, then I'm not loving myself. Et si je vous aime, je ne peux pas m'aimer. And that's the way God has designed love. C'est la façon dont Dieu a imaginé, pensé l'amour. If I'm to love others, I have to stop loving myself. Si je veux aimer les autres, il faut que je cesse de m'aimer moi-même. One night, there was a plane that was flying. Et une nuit, il y avait un avion qui volait. It was a small twin-engine plane. C'était un petit bimoteur. And there was 5 people on this plane. Il y avait 5 personnes sur cet avion. The pilot. Le pilote. Lance Armstrong. Qui était Lance Armstrong. Bill Gates. Bill Gates. A pastor. Un pasteur. And a hippie. Et un hippie. Suddenly there was an explosion. À un moment, il y a une explosion. The plane began to fill with smoke. L'avion se remplit de fumée. The cockpit door opened. La porte de l'avion s'ouvre. And the pilot came into the cabin. Le pilote passe du cockpit dans la cabine. He says, "Gentlemen, I have good news and bad news." Il leur dit, messieurs, j'ai des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. The bad news is that we're about to crash. La mauvaise nouvelle, c'est que nous allons nous écraser. The good news is that there are 4 parachutes and I have one of them. La bonne nouvelle, c'est que j'ai 4 parachutes et j'en porte un moi-même. So the pilot threw open the door and he jumped out of the plane. Et donc le pilote ouvre la porte et il saute avec son parachute. Then Lance Armstrong stood up. Et puis Lance Armstrong se lève. And he said, "Gentlemen, I am the world's greatest athlete." Il leur dit, je suis l'homme, l'athlète, le meilleur athlète du monde. And the world needs great athletes. Et le monde a besoin de grands athlètes. So I think the world's greatest athlete should have a parachute. Et donc je pense que le plus grand athlète au monde devrait prendre son parachute. So he grabbed the parachute, he jumped out the door. Il prend des parachutes et il saute lui aussi avec son parachute. Then Bill Gates stood up. Puis Bill Gates se lève. He says, gentlemen, I am the world's smartest man. Je suis l'homme le plus intelligent au monde. The world needs smart men. Le monde a besoin d'hommes intelligents. Smartest man should have a parachute too. Je pense que l'homme le plus intelligent doit prendre son parachute et sauter. So he grabbed one and out he jumped. Et c'est ce qu'il fait. The pastor and the hippie looked at one another. Et puis il reste le pasteur et le hippie qui se regardent. Finally, the pastor spoke. Et puis finalement le pasteur parle. He said, "My son, I have lived a satisfying life." Il dit, mon fils, j'ai vécu une vie satisfaisante. And I know my future is in God's hands. Et je sais que mon futur est entre les mains de Dieu. You have your whole life ahead of you. Tu as toute ta vie à vivre devant toi. You take the last parachute and I will go down with the plane. Tu prends le dernier parachute et moi je me cracherai avec l'avion. The hippie slowly smiled. Et le hippie sourit gentiment. He said, hey, don't worry, dude. Hey, t'en fais pas, mon pote. The world's smartest man. L'homme le plus intelligent du monde. He just jumped out with my backpack. Il vient de sauter avec mon sac à dos. Selfishness is never blessed. L'égoïsme n'est jamais béni par Dieu. Selfishness is sin. L'égoïsme, c'est du péché. Jesus was never selfish. Jésus n'a jamais été égoïste. Just before the cross, Jesus said this. Juste avant d'aller à la croix, Jésus a dit, this is my commandment. Voici mon commandement. That you love one another as I have loved you. Que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Peter, John. Pierre, Jean. The same way that you have seen me love. Comme vous m'avez vu aimer les autres. Selflessly. Sans égoïsme. Sacrificially. De façon sacrificielle. Do you love one another? Aimez-vous l'un l'autre. Then Jesus continued and he said, greater love has no one than this. Puis il a continué, il n'y a pas d'amour plus grand que ceci. Than to lay down one's life for his friends. Que donner sa vie pour ses amis. That's a very nice way, laying down one's life. C'est une belle façon de le dire, donner sa vie devant les autres. It means to be dead. Ça veut dire être mort. Greater love has no one than this than if you die for your friends. Ça veut dire simplement, il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour vos amis. Because you see, if I'm dead, parce que si je suis mort, then I no longer have needs. Je n'ai plus de besoins. If I no longer have needs, then I can take care of the needs of others. Si je n'ai plus de besoins personnels à satisfaire, je peux satisfaire les besoins des autres. If I don't love myself anymore, si je cesse de m'aimer moi-même, then I can wholly love other people the way Jesus wants me to. Alors je peux complètement aimer les autres comme Jésus veut que je le fasse. This sounds a little extreme, Jesus. C'est un peu extrême, Jésus. Turn to Luke chapter 10. Regardons ensemble Luc, le chapitre 10 de Luc. There's a certain similar situation going on here. On trouve une situation un peu similaire dans ce passage. In fact, it might even be the same conversation. En fait, c'est peut-être même la même conversation. In Luke chapter 10, beginning verse 25. Dans Luc chapitre 10, à partir du verset 25. A man asks, "What should I do to inherit eternal life?" Un homme demande, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? And Jesus said, you read the law, what do you think? Et lui, Jésus lui dit, mais tu as lu la loi, qu'est-ce que tu en penses toi-même? And he gives these two answers. Well, I think that I should love the Lord my God with all my heart, soul, mind and strength, and I should probably love my neighbor as myself. Et cet homme lui répond, mais bon, ben, je crois que tu aimes, il faut que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. And Jesus says, good answer. Et Jésus lui dit, do this and bonne réponse. Do this and you will live. Fais ceci et tu vivras. But then he asks another question. Puis il lui demande une autre question. Because this man thinks he can get out of this answer. Parce que cet homme pense que ça y est, il a la réponse, il peut y aller. And we read verses 29 through 32. Et on lit entre les versets 29 et 32, ensemble. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. The man says, who's my neighbor? L'homme demande, qui est mon prochain? Because God, there are 6 billion people on this earth. Parce que Dieu, il y a 6 milliards de personnes sur cette planète. And certainly some of them are not lovable. Et je suis sûr que parmi eux, il y en a qui ne sont vraiment pas dignes d'amour. There has to be some limits to this. Il doit y avoir des limites à ce commandement. Jesus tells this parable. Et Jésus répond par cette parabole. The man is going from Jerusalem to Jericho. L'homme descend de Jérusalem à Jéricho. People often took this path. Beaucoup de gens passaient par là. Because they were going to and from the temple. Parce qu'ils venaient, ils allaient au temple. And when they went to the temple, what did they take with them? Qu'est-ce qu'ils faisaient lorsqu'ils allaient au temple? They took gifts and offerings. Ils prenaient des dons et des offrandes so avec there eux. There were many thieves along this road. Il y avait donc beaucoup de brigands, de voleurs sur ce chemin. Because they knew that people were carrying valuable things with them. Parce qu'ils savaient que les gens portaient des choses de valeur avec eux. So this man gets beat up, he's left to die. Et donc cet homme est roué de coups, il est à moitié mort. First comes a priest. Il y a d'abord un prêtre, un sacrificateur. Then comes a Levite. Et puis un Lévite. This was a special group of men. Ça, c'était un groupe particulier d'hommes. They were dedicated to God of all the tribes. De toutes les tribus, c'était eux qui étaient consacrés à Dieu. To serve in the worship of God at the temple. Pour servir dans l'adoration de Dieu au temple. They took shifts. They weren't there all the time. Ils n'étaient pas là, ils travaillaient par roulement. So this priest and this Levite were probably either going to or from the temple. Donc ce prêtre et ce Lévite allaient ou revenaient du temple. And what do they do? Et qu'est-ce qu'ils font? They avoid him. Ils évitent cet homme à moitié mort. There's probably an explanation for why they would avoid him. Il y a plusieurs explications pourquoi ils l'ont fait. For the first thing, maybe they're too busy. Peut-être parce qu'ils sont trop occupés. I've got to get to the temple. Je suis pressé d'arriver au temple. You know what? Loving others means taking time for them. Aimer les autres, ça veut dire prendre du temps pour eux. Even when you're busy. Même quand on est très occupé. Another reason they didn't stop. Une autre raison possible. Perhaps they thought, I'm not working right now. Hey, je travaille pas en ce moment. I'll help people at the temple, that's my job. Je vais aider les gens au temple, ça c'est mon travail. But I'm off work right now. Hey, mais je suis en congé là en ce moment. How often we might do that? On peut faire ça nous aussi. Lord, I know you want me to serve people. Je sais que tu voudrais que j'aide les gens. But I'm not at church right now. Mais je suis pas à l'église en ce moment. That's not my area of ministry. I don't work with the children. Ce n'est pas mon domaine de service. Je ne travaille pas pour aider auprès des enfants. Someone else will do it. Quelqu'un d'autre le fera. Not me. Pas moi. Another reason they might not do it. They might not stop and help this man. Une autre raison possible. Perhaps they were just professionally religious. Parce qu'ils étaient religieux d'une façon professionnelle. Father, I will love people at the temple. Seigneur, j'aimerais les gens au temple. But I'm not at church right now. Mais je ne suis pas dans un temple. So I won't need to love anyone. Je n'ai pas besoin d'aimer qui que ce soit maintenant. Another reason they might not have stopped. Une autre raison possible. Because it says that he was half dead. Parce qu'il était à moitié mort, il est écrit. Which means they probably didn't even know if he was alive or not. Peut-être qu'ils ne savaient pas s'il était mort ou pas. To figure out if he was alive, they'd probably have to go feel his pulse. Pour savoir, pour s'en assurer, il aurait fallu qu'ils aillent prendre son pouls. But what if he was dead? Mais s'il était mort? If you were a priest, if you were a Levite, you could not touch a dead body. Si vous étiez un prêtre, un Lévite, vous ne pouviez pas toucher le corps d'un cadavre. Because you would become unclean. Parce qu'à ce moment-là, vous deveniez impur. You couldn't go to the temple to worship, to do your duties. Vous ne pouviez plus aller au temple et faire votre travail là. I don't need to love them, Lord. J'ai pas besoin d'aimer cet homme. They're unclean. Ils sont impurs. I can't touch them. Je peux pas les toucher. But the Samaritan. Mais ce Samaritain, the good Samaritan, ce bon Samaritain, he was unliked by the Jews. Il n'était pas aimé par les Juifs. Jews had nothing to do with Samaritans. Les Juifs ne voulaient rien avoir à faire avec les Samaritains. They were half Jew, half Gentile. Parce qu'ils étaient à moitié Juifs et à moitié païens. In fact, the Samaritans lived in the middle of Israel. En fait, les Samaritains vivaient au milieu d'Israël. And a Jew who was traveling from the south to the north would often avoid them. Et un Juif qui devait aller du sud d'Israël au nord d'Israël faisait souvent un détour pour les éviter. By crossing the river, going around, and then coming back into the land. Traverser le Jordan, la rivière, ils faisaient un détour et ils revenaient en passant par la rivière. Ils les évitaient parce qu'ils étaient pleins de racisme envers eux. Now, a Jew, when they would tell a story, usually the Samaritan would be the villain. Lorsqu'un Juif racontait une histoire, le Samaritain, c'était le Belge. They would be the bad guys. C'était la mauvaise personne. When they would read about the Samaritan, people would usually say, "Oh, boo, Samaritan." Ils disaient, "Oh, les Samaritains, ah, boo." Here, this man is beat up. Cet homme est à moitié mort. The thieves have robbed him. Les voleurs l'ont dénudé. He's bleeding, he's dying. Il saigne, il est mourant. The priest passes on one side. Le prêtre passe d'un côté. The Levite passes on the other. Le Lévite passe de l'autre. But the Samaritan stops. Mais le Samaritain, lui, s'arrête. And as these Jews are listening to Jesus tell this story, et quand ces Juifs écoutent Jésus leur raconter cette parabole, cette histoire, they're probably thinking, no, not them. Ils se disent probablement, non, tu ne peux pas parler des Samaritains. This is blasphemy. C'est un blasphème. I will love the Jews. Je vais aimer les Juifs. Those who are close to me. Ceux qui sont proches de moi. Those who I know. Ceux que je connais. Those who are just like me. Ceux qui sont juste comme moi. But you will not get me to love a Samaritan. Mais tu ne vas pas arriver à me faire aimer un Samaritain. That cannot be what God commanded Jesus. Ça ne peut pas être le commandement. It's exactly what he commanded. Et c'est exactement ce que Jésus leur demandait de faire. We read verses 34 and 35. On lit au verset 34 et 35. Ce Samaritain s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » This Samaritan loved in action. Ce Samaritain a montré de l'amour en action. He canceled his plans. Il a annulé ses projets. He got blood on his clothes and on his new donkey. Il a mis du sang sur ses vêtements et sur son nouvel âne. He missed his appointments. Il a raté son rendez-vous. He called his wife and stayed the night with this stranger. Il a appelé sa femme sur son portable et lui a dit qu'il ne serait pas là pour la nuit. He paid for it with the money that he was saving for a new camel. Il a payé la nuit avec l'argent qu'il économisait pour se payer le nouvel âne. And he promised to come back and keep dealing with this problem as long as it took to get things. Il a promis de revenir et de s'occuper du problème aussi longtemps que ce serait nécessaire. Love cannot be passive. L'amour ne peut pas être passif. It requires a response. Il exige une réponse. And true love will usually require sacrifice. Et l'amour véritable va nécessiter un sacrifice. It's not love when it's always convenient for me. Ce n'est pas de l'amour lorsque c'est facile pour moi. Jesus's death on the cross was not exactly convenient. La mort de Jésus sur la croix, ce n'était pas exactement quelque chose de facile pour lui. In fact, he got nothing out of it personally. En fait, il n'en a rien retiré de bénéfice pour lui-même. Other than the relationship with us that he wanted. Simplement, il a gagné la relation d'amour avec nous qu'il voulait. Jesus sacrificed to love. Jésus a sacrifié pour aimer. And we're called to do the same. Et nous sommes appelés à faire la même chose. Finally, verses 36 and 37. On va terminer verset 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. So Jesus asked him a question. So which of the three do you think was the neighbor? Donc Jésus lui demande, lequel était le prochain? And I like verse 37. Et j'aime bien 37, le verset 37. He can't even say the words, the Samaritan. Il ne peut même pas prononcer le mot samaritain. He says, oh, the third one, the one who showed mercy. Il dit, oh, le troisième, celui qui a été généreux. Because I still believe he was a Samaritan. Check his passport. Parce que je crois vraiment encore que c'était un Samaritain. Je crois que si on vérifiait son passeport. How do you think the Jew felt about Samaritans after he recovered? Qu'est-ce que vous pensez que les Juifs ont pensé des Samaritains après que cet homme qui était à moitié mort, qu'est-ce qu'il a pensé des Samaritains après avoir retrouvé la santé? Because imagine, he's there in the road, bleeding, parce que lui, il était mourant sur le chemin. And the only one who helped him was a Samaritan. Et le seul qui daignait l'aider, c'est un Samaritain. He grew up his whole life hating them. Toute sa vie, il a été éduqué pour les haïr. But in his hour of need, he was the only one who came through for him. Mais dans son heure de besoin, c'est le seul qui soit venu comme un ami auprès de lui. How do you think he felt about Samaritans afterward? Après ça, est-ce que vous pensez qu'il avait une autre opinion des Samaritains? I bet his attitude changed about them. Je suis sûr que son attitude a complètement changé. Because of the love the Samaritan showed him. Parce que l'amour que ce Samaritain lui a montré. You know, the world doesn't have the best attitude about Christians. Le monde n'a pas la meilleure attitude vis-à-vis des chrétiens. We're like Samaritans. On est un peu comme les Samaritains. We're half-breeds. On est à moitié. We're in the world, but we're not really of this world. On est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. People are suspicious. Les gens nous soupçonnent de motifs bizarre. They're critical, they're distant. Ils nous critiquent, ils sont distants. They even avoid us sometimes as Christians. Et souvent, ils nous évitent en tant que chrétiens. But if we can love them, mais si nous pouvons leur montrer de l'amour in their struggles, dans leur lutte, in their tragedies, dans leurs moments de tragédie, in their hardships, dans leurs difficultés, when no one else will, quand personne d'autre ne leur montre de l'amour, then we just might be able to reach them with the gospel. Alors on va pouvoir les toucher avec l'Évangile. Do you want to reach the world for Christ? Est-ce que vous voulez toucher le monde pour Jésus-Christ? The best way to do that is to love them. La meilleure façon, c'est d'aimer les autres. Unconditionally. Inconditionnellement. With the love of Christ. Avec l'amour de Dieu. He says in verse, Jesus says in verse 37. Au verset 37, Jésus dit, go and do likewise. Il dit simplement, va et toi fais de même. That's a command. C'est un commandement. Jesus had faith in this moment. Jésus avait la foi en ce moment. He was telling those who were listening, there will be opportunities. Il savait, il avait la foi que ceux qui écouteraient ses paroles seraient en face d'occasions, d'opportunités. He didn't say, hey, if by chance someday maybe this might happen. Il n'a pas dit, si jamais par chance, par hasard, ça vous arrive de vous trouver dans une situation pareille. You might possibly consider doing something kind of like that. Vous pourriez peut-être envisager de faire quelque chose un peu comme ça. He said, no, go and do likewise. Non, il dit, va et fais de même. Because you will have opportunity. Parce que vous allez avoir des tas d'occasions d'aimer votre prochain. I remember it was about 9 years ago. Je me souviens une histoire d'il y a 9 ans. And I took a group of Bible college students to Celia, to Slovenia for the weekend. J'avais emmené un groupe d'étudiants de l'école biblique à Celia pour le week-end. And we were staying in a student dormitory. On était dans un dortoir d'étudiants. And we were outside and we were speaking to some of the kids, just talking, making conversation. Et on parlait avec des jeunes de la cité universitaire. And I remember there was one girl on the team, her name was Dawn. Il y avait une jeune fille dans l'équipe, son nom c'était Dawn. She was kind of shy. Elle était assez timide. She wasn't really an evangelist. C'était pas vraiment une évangéliste. She wasn't very bold. She wasn't a teacher. Elle n'était pas très hardie, elle n'avait pas d'audace, elle n'était pas vraiment une enseignante. She was just talking to this one girl for a few minutes. Elle a juste parlé à cette jeune fille pendant quelques minutes. And the girl had to go somewhere. Cette jeune fille devait partir. So she said, okay, goodbye. Elle lui a dit au revoir. And then she told her the one phrase she had learned in Slovenia. Mais elle lui a dit la seule phrase qu'elle savait dire en slovène. Jesus te ljubi. Jesus te ljubi, qui veut dire Jesus loves you. Jésus t'aime. And the girl started weeping. Et la jeune fille s'est mise à pleurer, à sangloter. And she turned around, she came back to Dawn. Elle est revenue vers Dawn. And she just starts telling her whole life. Elle a commencé à lui partager à lui dire toute sa vie. About the broken relationship she just got out of. De la relation brisée dont elle sortait. About a relationship to her parents, that she didn't even have one. C'est de ce qu'elle n'avait même pas une relation avec ses parents. And about all the trials and the struggles she was going through. Toutes les épreuves, toutes les luttes qu'elle traversait. And all she heard was three words, Jesus loves you. Elle n'avait entendu que trois paroles, Jésus t'aime. And that's all she needed to hear in that moment. C'était tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. And after that, this girl Dawn was able to share the whole gospel with her. Et Dawn a pu partager tout l'évangile avec elle. But this girl needed to know that Jesus loved her before anything else. Avant de toute autre chose, cette jeune fille devait savoir que Jésus l'aime. This world needs to know that Jesus loves them. Notre monde a besoin de savoir que Jésus les aime. The Pharisee asked a simple question. Les pharisiens avaient demandé une simple question. Lord, simplify it all. Simplifie, Seigneur. What's the most important? Quel est le plus grand commandement? Love the Lord your God. Aime le Dieu ton, le Seigneur ton Dieu. Realize how much your God loves you. Réalise combien Dieu t'aime. Love him. Aime-le. But then love others. Mais va aimer les autres. Because it's great to know how much God loves you. C'est merveilleux de savoir combien Dieu m'aime. But they need to know it too. Mais ils ont besoin de le savoir eux aussi. And how is he going to tell them? Et comment Dieu va le leur dire? Through the love of a Samaritan. Par l'amour, l'intermédiaire de l'amour d'un Samaritain. Through the love of a Christian. Par l'amour d'un chrétien. Through the love of someone who has first tasted the Lord's love. Par quelqu'un qui a d'abord goûté l'amour de Dieu. The Pharisee asked for a simple answer. Le pharisien demandait une simple réponse. But when we think about it, it's the most complicated thing to do. Mais quand on y pense bien, c'est la chose la plus compliquée à faire. To love. Aimer. But God is good. Mais Dieu est bon. Because he's not asking us to do it on our own. Parce qu'il ne nous demande pas de le faire tout seul. He's given us his Holy Spirit. Il nous a donné son Esprit Saint. And the fruit of the Spirit is love. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. We're going to pray right now. On va prier maintenant. But what I'd like to do, que j'aimerais faire, is if you need a fresh filling of God's Spirit, si vous avez besoin d'être de nouveau rempli par l'Esprit Saint, to love, pour aimer les autres, to have the power to love, pour avoir la puissance pour aimer, in a way that you are not able to, d'une façon dont vous n'êtes pas capable par vous-même. I'm just gonna ask you to stand up. Je vais simplement vous demander de vous lever. Just where you are, just stand up there. Simplement vous lever où vous êtes. And we're just gonna ask God to fill us afresh. On va demander Dieu de nous remplir de son Esprit Saint. With his love. Avec son amour. Lord, we thank you for your word. Seigneur, merci pour ta parole. And for the simplicity of this message. Merci pour la simplicité de ce message. And yet, God, it is impossible for us to do. Et pourtant, ce message, il est impossible pour nous. We can try for a few days, for a few weeks. On peut essayer de le faire pendant quelques jours, quelques semaines. But God, you know us better than we know ourselves. Mais tu nous connais mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. But Lord, we also know you've given us the power of the Holy Spirit. Nous savons que tu nous as aussi donné la puissance de ton Esprit Saint. And in Romans, it tells us that the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Et dans Romains, il est dit que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. And Lord, as we stand here right now in faith, et par la foi, nous nous tenons devant toi, Seigneur. We stand in humility, nous nous tenons dans l'humilité. Because we declare our need. Parce que nous déclarons notre besoin. Lord, we need your love. Nous avons besoin de ton amour. We need your spirit. Nous avons besoin de ton esprit. Not just for our own sake, Lord. Pas pour nous-mêmes seulement. But because of all those who need to experience it as well. Mais pour tous les autres qui ont besoin de faire l'expérience de ton amour. Lord, we want you to use us. Nous voulons que Dieu nous utilise. We want the world to experience you through us. Nous voulons que le monde fasse l'expérience de toi à travers nous. You told us that if anyone asks for bread, tu nous as dit que si quelqu'un demandait du pain, that the Father will not give him a stone. Le Père ne va pas lui donner une pierre. Lord, we ask for the Holy Spirit because it is a good gift. Nous demandons pour le Saint-Esprit parce que nous savons que c'est un bon don. We know we are not worthy. Nous savons que nous ne sommes pas dignes. We don't deserve this. Nous ne méritons pas cela. But we know you've given it to us freely. Mais nous savons que tu nous le donnes librement. So Holy Spirit, fill us afresh. Donc Esprit Saint, remplis-nous de nouveau. With every fruit of the Spirit. De tous les fruits de l'Esprit. With every gift of the Spirit. De tous les dons de l'Esprit. Holy Spirit, forgive us for the times we have quenched your presence. Seigneur Esprit Saint, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons empêché d'agir. For the moments of our selfishness. Pour les moments d'égoïsme. Where you have not been able to work through us. Les moments où nous n'avons pas laissé travailler à travers nous. We repent of that. Nous nous repentons de ces temps. But we ask that you be gracious. Mais nous te demandons ta grâce. And give us the opportunity to go and do likewise. Et de nous donner l'occasion d'aller et de faire de même. To love the unlovable. D'aimer ceux qui ne sont pas faciles à aimer. To be your hands, to be your feet. D'être tes mains, d'être tes pieds. To bring your love to this needing world. D'amener ton monde à ce monde en besoin. We receive it now by faith. Nous recevons ce don de l'Esprit par la foi. Name we pray. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Amen. Amen.